Amen. Alléluia. Amen. Alors, regarde trois personnes. Angalia watu tatu. Et pose-lui la question, est-ce que tu me connais? Na umulize swali, je unanijua? Lorsque nous sommes en prière, wakati tuko ndani ya maombi, nous avons besoin d'une certaine cohésion d'esprit. Tunahitaji tukue na umoja wa roho. Et cette cohésion d'esprit vient avec un cœur ouvert envers ceux qui sont autour de nous. Na ile moja, umoja wa roho inakuja wakati tunakuwa na moyo ambao uko wazi. C'est vrai que Dieu nous regarde individuellement. Hakika Mungu anatuona kwa ubinafsi. Mais il nous regarde aussi collectivement. Lakini anatuangalia pia kwa shirika. Et dans ces principes, na ndani ya kanuni, il prévoit aussi la communion des prières. Anatayarisha pia ushirika wa maombi. Il dit, si deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom, assurément cela leur sera accordé. Anasema watu wawili ama watatu wakikubaliana hapa duniani kwa ajili ya kuomba kitu kimoja watakipewa. Maintenant regardez, tu es venu à la prière, je suis venu à la prière, puis le pasteur dit tukamatane mikono. Umekuja kwa maombi nami nimekuja kwa maombi kisha mchungaji anasema tenenule main. On va prier ensemble. Tushikane mikono tutaomba pamoja. La personne que tu tiens les mains. Mtu unamshika mkono. Tu l'as même pas salué depuis que tu es arrivé là. Haujamsalimu hata tangu umefika. Quelle est la communion d'esprit que nous nous obtenons ça. Ushirika gani wa roho ambao tunapata? En fait, tu t'unis avec qui? Unaungana na nani? Vous voyez non? Simnon. En fait, j'ai tenu la main d'un inconnu. Nimeshika mkono wa mtu ambaye simjue. Et puis on a dit communion de prière. Na kisha tunasema ushirika wa maombi. Nous prions avec qui là? Sasa tunaomba na nani hapa? OK, maintenant recommencer. Sasa unaweza kuanza tena. Demande lui le nom. Umulize jina yake. Découvre-le. Umgundue. Accueille-le. Umpokee. C'est qui cette sœur? Utue ni nani ule dada ule kaka ni nani? Qui es-tu? C'est toi c'est qui? Wewe ni nani? Restons debout. Tunabaki wima. Maintenant écoutez-moi. Sasa munisikilize. Nous avons appris hier. Tumejifunza jana. Qu'il est important de connaître Dieu. Ya kwamba ni ya muhimu kumjua Mungu. Regardez maintenant. Sasa mtazame. Tu viens prier Dieu et tu ne le connais pas. Ou tu as une connaissance tronquée de Dieu. Non, non, tronquée. Tu as un regard sur Dieu comme un Dieu qui s'est toujours méfié de toi. Unaokuwa ukimwona Mungu kama Mungu ambaye hakujali. Mais bon, nifanyaye. Qu'est-ce que je vais faire? Tombe basse. Prions. Et on dit prions et puis le pasteur se poumonne. Priez, priez. En fait, toi tu as un problème. Na kisha mchungaji anasema tu as une shida. Côté en a te dit de prier pour toi, c'est un Dieu qui est trop loin et puis il s'intéresse même pas à toi d'ailleurs. Ule Mungu ambao anakuambia uombe unaona kama Mungu ambaye iko mbali ambaye hakujali. Ya ile image négative. Unakuwa na picha mbaya de Dieu. Juu ya Mungu. Pourquoi? Sababu gani? Parce que tu ne le connais pas. Sababu haumjui. La Bible dit connaissons et apprenons à connaître Dieu. Biblia nasema tujue na tujifunze kumjua Mungu. L'esprit en train de me mettre à cœur de rester sur ce sujet ce soir. La connaissance de Dieu comme pilier. Comme pilier. Ujuzi wa Mungu kama nguzo de l'établissement. Ya kushimikwa. Je ne sais pas avancer avec un Dieu que je ne connais pas. Siwezi kuendelea pamoja na Mungu ambaye simjui. Mais plus je le connais, lakini zaidi ninamjua, ça devient facile. Inakuwa rahisi. La Bible dit, Biblia nasema, deux personnes ne peuvent marcher ensemble si se mettent pas d'accord. Watu wawili hawezi kutembea pamoja kama hawapatani. Alléluia. Amen. Mais comment on va se mettre d'accord avec un inconnu? Lakini namna gani tutapatana na mtu ambaye simjui? Dieu, je te connais pas. Mungu sikujui. Moïse débarque en Égypte. Moussa nafika Misri. Il est devant Pharaon. Yeye iko mbele ya Pharaon. Et il dit Pharaon. Na namwambia Pharaon. Le Dieu des Hébreux nous a visités. Il est avec Aaron. Iko pamoja na Harun na namwambia Mungu wa Hebrewia ametuambia. Il nous a dit de te dire. Na ametuambia tukuambie. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert pendant 3 jours. Wache watu wangu waende kunitumikia siku 3 ndani ya jangwa. Exode chapitre 5 verset 2. Kutoka 5 mstari wake wa 2. Prenez ta Bible et regarde ça. Chukua Biblia yako na uisome pamoja nami. Nous sommes encore debout. Tungali tunasimama. Pendant quelques instants. Kwa wakati kidogo. Lisons ça ensemble. Tunaweza kuisoma pamoja. Pharaon répondit, deux points. Lakini Pharaon akajibu. Qui est l'Éternel? Ni nani yule Yahweh? Pour que j'obéisse à sa voix. Hata nisimsikilize. En laissant aller Israël. Na kuacha wa Israeli. Je ne connais point l'Éternel. Waondoke mimi simjui yule Yahweh. Et je ne laisserai point aller Israël. Wala sita waruhusu wa Israeli waondoke. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Anasema Mungu wa Ibrania. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas, afin qu'il ne fasse pas quoi? Est-ce que c'est prévu? Vous avez déjà trouvé ça dans les textes, dans l'expérience de Moïse? Dieu n'a pas dit qu'il va frapper Israël. Afin qu'il ne nous frappe pas. Fait qu'il ne nous frappe pas. C'est tout pigue. De la peste et de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, il les connaît bien. Pourquoi vous détournez le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux, esclaves. Mais la phrase de Pharaon, msemo ya Pharaon, lui a coûté cher. Il a provoqué deux catastrophes nationales. La première, tous les premiers nés de l'Égypte périssent. Même les premiers nés de poules. J'imagine même les premiers nés de rats. Hata wazaliwa wa kwanza dans la maison. Ndani ya nyumba. Pourquoi? Sababu gani? Je ne connais pas l'Éternel, dit, je ne connais pas le Dieu là. Laissez-moi, je ne le connais pas. Mniache, simjui. Ah, tu ne connais pas? Haumjui. Ça. Ok. Deuxième dégât. Ajali ya pili. J'aimerais appeler ça gâchis. Ningependa niite mazara. Premier gâchis, le premier né, c'est sont gâchés comme ça. À cause de son ignorance de Dieu ou son refus de connaître Dieu. Le deuxième gâchis, il est lui-même victime. Dans la mer Rouge, toute l'élite militaire de l'Égypte périsse. Toute l'armée périt. Les armements périssent. Tu aurais dû connaître l'Éternel. Tout ceci ne te serait pas arrivé. La plupart des choses mauvaises qui nous arrivent proviennent du fait que nous n'avons pas eu le temps de connaître Dieu. Parce que si on l'aurait dû connu, on allait agir différemment. Et Dieu allait agir différemment. Mais comme on ne connaissait pas Dieu, on a commis des bêtises. On n'a pas su qu'il faut les consulter quand on prenait telle décision. On est juste allé à cause ou sur base de notre intelligence. Et on est revenu la tête. Sur la tête. Comme il est écrit, de là aussi tu sortiras les mains sur la tête. Frères, sœurs, ce soir Dieu te demande d'apprendre à connaître Dieu. Même les miracles procèdent de la connaissance de Dieu. Et pour ceux qui proclame les miracles et pour ceux qui doivent recevoir les miracles, il est important que l'église du Seigneur connaisse Dieu. Il est temps que l'église du Seigneur connaisse son Seigneur. Jésus dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui est en train de te dire donne-moi de l'eau, tu aurais toi-même commencé à me demander de l'eau vive. Mais comment cette femme sait qu'il existe de l'eau vive? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître Dieu. Connaître Dieu. On peut nous asseoir. Lorsque Dieu wakati Mungu fait des efforts pour se présenter à l'homme qu'il veut établir, comme on a vu hier, c'est moi l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est moi l'Éternel qui te parle. Quand Dieu fait tous ses efforts, il veut inciter la personne qu'il envoie à développer sa foi, à le croire. J'aime mieux dire, il veut pousser la personne à établir, à monter dans sa dimension de la connaissance de Dieu. Parce qu'il est conscient que sans cela, les opérations qu'il veut exécuter avec toi ne vont pas réussir. Dieu réussit avec l'homme lorsqu'il trouve dans cet homme la foi. Lorsqu'il trouve dans cet homme la connaissance de Dieu. C'est lorsque Dieu trouve sa connaissance en toi que même les instructions qu'il te donne, il est sûr que ça va marcher, que tu vas le comprendre. Quand nous engageons avec Dieu et qu'il y a des incompréhensions entre nous et Dieu, ces incompréhensions proviennent du fait que nous ne le connaissons pas. Ou alors il y a des déficits dans notre connaissance de Dieu. Tu peux aller avec Dieu dans une grande vitesse. À la mesure où tu le connais. Parce que ce sera juste des indices que tu as déjà captés. Tu sais, il va te dire, il va faire un signe, tu es déjà parti. Mais quand tu ne le connais pas, même quand il t'a déjà parlé clairement, tu vas entrer en prière. Ou dire, Dieu, parle-moi. Je... Tu m'as dit hier, parle-moi. Dis-moi ça encore. Mais je t'ai dit hier, oh Dieu, j'ai 3 jours secs. Dis-moi encore. J'étais déjà dit, c'est le temps d'exécuter. Pourquoi tu insistes qu'ils disent encore? Parce que tu ne le connais pas en fait. Il y a un déficit de connaissance de Dieu. Seigneur, aide-nous à te connaître. Seigneur, ouvre-nous l'esprit. Seigneur, facilite-nous la tâche. Et durant ce tournant, fais un effort. Exerce-toi à connaître Dieu. Il y a 4 sources de la connaissance de Dieu. Où nous pouvons tirer la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. La première source, c'est la nature. Il est écrit dans Romains 1, 20 à 21. Regardez ça. Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1. Versets 20 à 21. Vous avez trouvé? Meshapata. Lisons ça ensemble. 1, 2, 3. En effet, kwa kweli, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont inexcusables, ceux qui n'arrivent pas à croire à Dieu. Parce que Dieu va les dire, tu vivais où? Non, tu vois, Seigneur, je n'ai pas eu la grâce de te connaître. Tu vivais où? Tu peux demander au voisin, il vit où? Tu vis où? Tu vis dans la création, les perfections invisibles, sa divinité. Regardez, frère, c'est très fort. Hein? Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc, quand nous regardons la création, nous accédons aux perfections invisibles de Dieu. Nous accédons à la puissance infinie de Dieu. Nous accédons même à sa divinité. Autrement dit, toute la création est une lettre ou un message. C'est un Google. Dans lequel il faut faire les recherches sur Dieu. Or, nous sommes dans la création. Nous sommes la création. Si tu es aveugle, tu vas dire, moi je n'ai rien vu. Mais les aveugles voient. Tu es aveugle, mais tu vois que tu existes. Tu fais partie de la création. La manière dont tu es aveugle, mais tu marches, Regardez, cette perfection est visible là. Dans cette case là. On peut acclamer cette perfection est visible. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ce n'est pas lui. Innocent, il est où? Innocent, tu es là? Gonga kwa kidogo tukusikie. Frappe kidogo. On voit les perfections invisibles dans la création. Voilà une créature. C'est une créature là. Frappe. Pas les yeux. Il a des morceaux des yeux de petits comme ça là dedans. Est-ce que vous êtes béni quand il entre là-dedans? Si mon achesa capa mon a frappé ma bina apa. Vous dansez ici. Mais il ne voit pas. Mais il est une création de Dieu. Est-ce qu'il ne voit pas? Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance est finie. Sa divinité. Se voit pas à l'œil nu. Unaonekana kwa macho wazi. Unataka nini juu yeye Mungu? Maintenant tu veux quoi pour connaître Dieu? Et les gens vont aller en affaire. Na watu wataenda kuzimu. Kwa nini? Mimi sikujua na sikujua Mungu. Moi je n'ai pas connu Dieu. Moi je savais pas. Mimi sikujua. Dans le psaume 150, il est écrit au verset 2. Ndani ya kitabu cha Zaburi. Verset 1 2. 100. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Ah bon? Donc Dieu est où? Dans l'étendue où éclate sa puissance. Et toi, tu es dans quelle étendue? Tu peux demander à ton prochain, toi tu es dans quelle étendue? Tu es dans quelle étendue? C'est l'étendue où éclate sa puissance, non? Donc quand tu regardes le voisin, et que je vois mon fils ici, comment il interprète grave. Hein? C'est l'étendue où éclate, dans l'étendue où éclate sa puissance, il y a Néhémie. Ndani ya mahali ambapo uwezo wa Mungu unaonekana kuna kuwa Nehemia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dans l'étendue où éclate sa puissance. Ndani ya mahali ambapo uwezo wake unaonekana. Wewe peke uko uwezo wa Mungu. Toi-même tu es la puissance de Dieu. Tu es venu comment ici? Dieu a confectionné un être, une femme, un homme en Éden. Il a confectionné, il a fabriqué, il a tengenezé. Et puis il a jeté sur la terre. Et puis c'est devenu Adam. Et puis c'est devenu Ève qui est sortie dedans. Et puis c'est devenu Caïn, Abel, Seth. Jusqu'à toi aujourd'hui. Quelle merveille! Dieu! Mungu, kumbu na kwa kako bwa. Tiela. Regardez. Tu peux voir ceci. Hébreux chapitre 12 verset 1. Unaweza kuona ndani ya kitabu cha Waebrania 12. Lisons cela ensemble. Tunaweza kuisoma pamoja. Il est écrit. Imeandikwa. Puisque nous sommes, nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, où sont les témoins? Tu as vu les témoins? Dans l'étendue où éclate la puissance de Dieu, tout est témoin. C'est vrai, le verset vient après Hébreux 11, où on nous donne la litanie des hommes de foi. Mais en dehors des hommes de foi, même les hommes sans foi, même les hommes païens, incrédules et athées, font partie des matériaux didactiques de la démonstration de l'existence et de la puissance de Dieu. Nous à Goma, Nyiragongo voisin, tunaona Nyiragongo hapa jirani yetu, Bahari Kivu hapa, Kivu voisin, jirani yetu, et nous vivons là-dedans. Na kisa tunaishi humu ndani. Les deux voisins peuvent se fâcher contre. Na majirani wote wawili wanaweza kutusirikia. Si le voisin en bas se fâche, il envoie les gaz. Jirani huku chini akisirika anatuma gaz. Si le voisin à gauche, il envoie la lave. Kama huu jirani wa kushoto anasirika anatupa moto. Et tu attrapes tes 50 000, tu achètes une parcelle. Actuellement, le succès, c'est de construire des appartements en ville. Et des grands morcellements. Bientôt, il y aura des micro-parcelles. Na inakuwa sasa viwanja c'est vidogo bon. Vidogo inakuwa vizuri. On fait fi de Nyiragongo. Unasahau Nyiragongo. On fait fi de unasahau ziwa Kivu. Pourquoi? Sababu gani? Dieu est en haut. Mungu iko huko juu. Les contrôleurs des mouvements du gaz, les contrôleurs des mouvements de magma, il est en contrôle. Et l'homme de Goma est calme. Imite à Jenga. Je vais construire. Bien à Dubaï. Je vais aller à Dubaï. Bien à Rangoura, matériaux de construction. Je vais aller pour acheter les matériaux. Et vous fabriquez vos maisons jolies quoi. Na mnatengeneza nyumba zenu ambazo ni nzuri. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Il y a un Dieu. Kuna Mungu. Il y a un Dieu. Kuna Mungu. C'est Dieu là. Ule Mungu. Il t'aime. Anakupenda. Anakupenda sana. Il t'aime. Anakupenda. C'est Dieu là. Ule Mungu. Il veut que tu sois sauvé. Anahitaji uokolewe. Pourquoi tu traînes? Sababu gani unachelewa? Sois sauvé. Okolewa. Tu le connais pas? Haumjui. Renseigne-toi en toi-même. Ujifunze ndani yako wewe mwenyewe. Quand tu es dans ta douche et tu te laves. Wakati unakuwa ukielele ndani ya chumba chako cha kuogelea uko mwenyewe, usijiangalie. Regarde les merveilles de Dieu. Angalia uzuri wa Mungu. Regarde toutes ses richesses. Angalia ile utajiri wote. C'est fait par qui? Imetengenezwa na nani? Par lui. Na yeye. Et tu veux pas connaître Dieu? Na upendi umjue Mungu. Qui a fabriqué ça? Nani aliyetengeneza? C'est lui. Ni yeye. Les perfections invisibles de Dieu. Ukamilifu usionekana wa Mungu. Sa puissance éternelle. Uwezo wake wa milele. Se voit comme à l'œil nu. Inaonekana kama kwa macho wazi. Quand Paul alipiti wakati il a écrit là. Paul. Paul était dépassé quand il a écrit ça. Se voit. Sinaonekana kama kwa macho wazi. Romains 21. Il dit se voit. Anasema inaonekana. Comme à l'œil, virgule. Kama kwa macho. Anatia mkato. On peut prêter à Paul un mot. Na ni kwazo naweza mkopesha Paulo neno. Se voit. Inaonekana. Tu es déjà. Vous avez vu? Se voit comme. Il a mis la virgule vite, vite. On peut l'aider, Paul. Tunaweza kumsaidia Paulo. Et ajouter entre la virgule et l'œil. Nakutia kati ya jicho na mkato. Juste NU. Unatia tu wazi. NU. Unatia tu NU. Se voit. Comme à l'œil nu. Inaonekana kama kwa macho wazi. Vous ne trouvez pas? On peut prêter à Paul. Hein? On peut lire cela ensemble. En effet, lisons-les, mes amis. Attends. Même la voix que tu as, elle est venue d'où? Lisons avec nos voix. Allons-y. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages, quand vous regardez le globe terrestre sur lequel nous marchons, là, nous construisons des maisons qui montent en haut. Il dit, quand nous les considérons dans les ouvrages, le globe, c'est un globe, c'est une boule. Donc celui qui est américain ici, où il est là-bas, et la terre tourne autour d'elle, et elle tourne autour du soleil. Vous avez appris ça à géographie, non? Si mais sommes dans la géographie, la terre tourne autour de lui-même, et tourne autour du soleil. Et donc, les gratte-ciel de Dubaï, ni kusema ile mji ile manyumba makubwa ya Dubai mara inakuwa huko juu, et puis tourne autour de lui-même, na kisa nazunguka, et à un moment donné ce gratte-ciel na kwa mara moja sont horizontal ile magorofa avec le vide inakuwa inaangaliana na wazi, et puis à un moment donné na kisa kwa wakati fulani le gratte-ciel zile magorofa on les tête en bas zinakuwa na vichwa vyao chini. Na hazi chomoke. Et ça ne va pas se tirer de là. Et le lac Kivu, il est ici. Na siwa Kivu iko hapa. Mais à un moment donné, il est ici. Na wakati fulani inakuwa hapa. Na maji hayataanguka. Le Nyiragongo a ses magma. Nyiragongo inakuwa na moto yake. Le feu est en train de brûler là. Na inakuwa ikitumika na moto iko na waka humo ndani. Kwa wakati ambapo itakuwa chini. Singepaswa kutusaidia. Inapofanya hivi. Si moto yote inaanguka chini. Sile moto yote inaanguka. Le feu n'est jamais tombé. Lakini moto haijaanguka. Les perfections invisibles de Dieu. Ukamilifu usionekana wa Mungu. Allons-y encore. Tunaweza kusoma tena. Les perfections invisibles de Dieu. Ukamilifu usionekana wa Mungu. Sa puissance éternelle. Uwezo wake wa milele. Et sa divinité. Na Mungu wake. Autrement dit. Kwa maneno mengine. Sa puissance éternelle. Uwezo wake wa milele. Ses perfections invisibles. Ukamilifu wake usionekana. Démontre qu'il y a une divinité quelque part. Zinaonyesha kwamba kuna Mungu nafasi fulani. Ce sont des témoins que Dieu existe. Maintenant Dieu dit. Va dire à Israël, dit à Moïse. Va dire aux anciens. Le Dieu qu'on appelle Je suis. Vous est apparu. Et il vous envoie. Avez-vous déjà imaginé. Que le frère. Quand Dieu te dit, va prêcher la nuit. Dieu a besoin que tu comprennes que c'est lui Dieu qui te dit. Donc ce n'est pas le pasteur restant. Quand tu viens voir le pasteur, il dit à ce Dieu-là, anamwambia ule Mungu, comme tu as dit à ses fils, sisi uliambia huyu mwana, de prêcher dans la nuit, aenda ubiri usiku. Okay. Sawa. C'est pas moi qui pars avec toi. Sio mimi ninayeenda pamoja na wewe. C'est le Dieu des perfections invisibles. Ni Mungu wa ukamilifu usionekana. Écoutez, frère, sœur. Sasa mnisikilize. Quand tu fais face aux esprits mauvais, unapokuwa mbele ya mapepo, et que tu dois chasser des démons, na kwamba unapokuwa Qui t'a envoyé? Les dieux des perfections invisibles. Les dieux de la puissance éternelle. Te dit, je t'établis. Qui nous établit? Dieu. Mungu. Ah bon? Mais vous savez que ce concept de Dieu est devenu trop humilié. Le concept, il est devenu tellement humilié par notre incrédulité. Nous sommes si incrédules que même quand nous disons Dieu, nous ne nous rendons pas compte de quoi nous disons. Même quand nous crions, oh mon Dieu, de quel Dieu tu parles? Si nous prenions Dieu dans sa juste valeur, dans sa juste dimension, dans sa juste capacité, dans sa juste divinité, oh Dieu, ouvre-nous l'intelligence. Mais on va nous regarder comme des monstres. Et il y a des choses qui vont se produire. Par la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Seigneur, viens au secours de ma foi. Quand tu te tiens devant une maladie, si tu as connu Dieu et que tu es établi, et qu'au nom de celui qui t'a établi, tu fais face à la maladie, il faut que cette maladie-là soit sérieuse. Maintenant, qu'est-ce que tes problèmes devant ces dieux-là? Élie doit prier pour amener la pluie. Oh Dieu, Mungu, j'ai fini la mission. Nimemaliza kazi. Mais il reste de ramener la pluie. Lakini inabaki sasa mvua ishuke. J'ai tué les 450 prophètes de Baal. Nimeua manabii 450 wa Baal. Ramène la pluie, Seigneur. Rudisha mvua Bwana. Ramène la pluie. Rudisha mvua Bwana. Ramène la pluie. Rudisha mvua. Seigneur, ramène la pluie. Bwana, rudisha mvua. Ramène la pluie. Rudisha mvua. Ramène la pluie. Rudisha mvua. Nimekwenda angalia. Hakuna kitu. Oh Dieu. Eh Mungu. Ramène la pluie. Rudisha mvua. Qu'est-ce que ces gens vont dire? Ha, watu watasema nini? Maintenant s'ils meurent de soif. Sasa wakikufa na kiu. Ils vont me tuer. Si wataniua. Mais vois Seigneur. Lakini sione kwa. Ça fait 3 ans et demi. Imefanya miaka 3. Même les rivières ont séché. Hata mitoni zimekauka. Oh Dieu. Eh Mungu. Ramène la pluie. Surudisha mvua. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Je prierai par l'esprit. Nitaomba kwa roho. Je prierai aussi par l'intelligence. Nitaomba pia kwa akili. Ribakashata karata. Alléluia. Seigneur, ramène la pluie. Bwana, rudisha mvua. Oh bayenda korishike la baza. Rudisha mvua. Ramakate dezige. Rudisha mvua baba. Nuwe la gola singe la gashata. Rudisha Yesu. Seigneur, ramène la pluie. Bwana, surudisha mvua. Ramène la pluie. Rudisha mvua. Ramène la pluie. Rudisha mvua. Ramène la pluie. Rudisha mvua. Magoti nanza luma. Eh, les genoux commencent à faire mal. Minaka. Je m'aime. Seigneur, ramène la pluie. Bwana, rudisha mvua. Oh Dieu. Eh Mungu. Ramène la pluie. Surudisha mvua. Ramène la pluie. Rudisha mvua. Qui tu n'aimes dans mon migou. Et maintenant la tête entre les jambes. Cinquième fois. Mara Dieu ramène la pluie. Bwana, rudisha mvua. Je prierai par l'esprit. Nitaomba kwa roho. Je prierai aussi par nitaomba pia kwa akili. Et il prie par intelligence. Anaomba kwa akili. Quand il prie par intelligence. Anapoomba kwa akili. Il explique les choses à Dieu. Anakuwa akifasiria Mungu mambo. Quand il prie par l'esprit. Anapoomba kwa roho. Il laisse le Saint-Esprit parler lui-même. Anacha Roho Mtakatifu yeye mwenyewe aseme. Comme pour dire, nakosa maneno. Ni kama vile kusema les paroles sont épuisées. Et ce n'est plus encore du quoi. Alléluia. Eba yete keleziga. Vous pouvez parler entre vous deux là-bas. Parlez là, vous deux. Il parle en esprit. Et puis une explication vient, une justification. Seigneur, tu vois. Souviens-toi, le premier jour que j'ai vu Akab, je lui ai parlé à ton nom. Hein. C'était avec autorité. Maintenant, tu as prouvé que c'est toi qui es Dieu. Et puis, souviens-toi, c'est tout à l'heure là. Tu as vu toi-même. Tous les peuples s'est agenouillé. Et ils ont proclamé. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsque tu venais de faire descendre le feu, mais et le feu et la pluie, ce sont des choses que toi tu as fabriquées. Seigneur, amène la pluie. Je prierai par l'Esprit. Je prierai par l'Esprit. Et puis on a rudi à Tena. On a expliqué quoi? Et il revient encore. Il justifie par l'intelligence. Gehazi revient. Gehazi en a rudi. Il dit, papa, Baba, je vois un truc là. Naona kitu, c'est comme une main. Kama mkono. Mais je ne sais pas si c'est un brouillard, mais ça a la mesure d'une main. Kama ni wingu, lakini naonekana kama mkono. Il dit, oh, anasema, la pluie est déjà là. Mvua imesha kufika. Kama lishinyoroshaka kwanza. Et il a commencé d'abord. Ah, mishipe shaluma, magoti shaluma. Les muscles font déjà mal. Il vient de prier sept fois. Alléluia. Amen. Et il dit à Gehazi, donne l'annonce à Akab que la pluie est là. Où est la pluie? Est-ce que la pluie est là? Qu'est-ce qui est là? Un petit nuage comme la pomme de la main. Mais lui-même fait quoi? Comme nini? Il connaît Dieu, Mungu, il commence le voyage safari, en courant, akikimbia, en disant au roi, cours vite, sinon tu vas être mouillé. Kama sivyo utaloana. Et la Bible dit, na Bible nasema, il a couru, alikimbia. Le roi est allé avec ses chars et ses équipages, na pamoja, et lui a couru à pied. Il a dépassé et il est arrivé en ville avant le roi. Et la pluie était là la première fois après 3 ans et demi. Élie, quel est le problème? Je connais Dieu. Quand Dieu montre même un minimum d'indices qu'il vient d'arriver, je crois qu'il est totalement arrivé. Alléluia. Hey, quand man. Dieu montre un indice, wakati Mungu anaonesha tu alama kidogo, un indice, alama tu, un indice, alama moja, que on a prié pour ma guérison hier. Ya kwamba wameombea uponyaji. L'église a appelé l'effet sur cette maladie. Kanisa ilita moto juu ya ile ugonjwa. Et cette nuit, na hii usiku, j'ai senti quelque chose. Nimesikia kitu. C'est la pomme de main de duage. Je peux commencer à courir parce que je suis guéri et je le verrai s'accomplir. Il est écrit, si tu crois sans douter, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Si vous croyez sans douter, vous le verrez s'accomplir. Ce que nous demandons durant ce tournant décisif, croyons, prions avec foi. Mais où viendra la foi? La première source de la foi et de la connaissance de Dieu, la nature, les perfections invisibles de Dieu. Deuxième source. Chanzo cha pili. L'histoire et l'expérience de la vie. Historia na maisha. L'expérience de la vie. Mambo uliyoyaishi ndani ya maisha. Écoutez-moi bien. Munisikilize vizuri. L'histoire et l'expérience de la vie sont nécessaires pour venir au secours de notre foi. Pour réchauffer notre foi. Le Pharaon dit à Moïse, je ne connais pas l'Éternel. Qui est l'Éternel pour que je... Laissez-moi. Ok. Cher Pharaon, est-ce que tu te souviens que dans l'histoire, il est écrit qu'il fut un temps où un jeune homme est venu de la prison pour expliquer le songe de ton prédécesseur. Ce jeune homme-là, c'était un serviteur de l'Éternel. Il était de cette tribu ici. C'est ce jeune homme-là qui a amené ses frères ici. Le pharaon était fauché, il était foutu. Il ne savait plus quoi faire. Il a vu des vaches grasses qui ont mangé des vaches maigres. Et il a appelé tous les magiciens, les enchanteurs. Ils ont utilisé l'occultisme qu'ils connaissent. Et leur occultisme n'a rien donné. Un agent dans ta maison a dit au roi, au pharaon, j'étais en prison. Il y a un jeune homme de cette tribu-là. Il a donné une réponse. Essayons avec lui. On a fait sortir ce jeune homme. Il s'appelait Joseph. Il est venu et il a dit au roi, c'est l'Éternel qui connaît ce que l'explication que tu as. Les choses que tu as vues. Je vais lui poser la question. Et je suis allé prier. Et je suis venu. Ce jeune homme est venu. Et il a donné l'explication. On a eu sept ans d'abondance, suivi de sept ans de famine. Et c'était une famine cruelle. De sorte que toute la population a survécu de cette famine. Mais c'est ce jeune homme-là qui a vendu l'Égypte au pharaon. C'est-à-dire, si tu es pharaon et que toute l'Égypte est sous ton pouvoir, c'est grâce à ce jeune homme-là. Mais ce jeune homme-là parlait avec un être qu'on appelle Yahweh. Et c'est ce Yahweh qui vient de dire, laisse partir mon peuple afin qu'il m'adore un peu là-dedans. Et toi tu dis tu ne connais pas l'Éternel, mais comment tu aurais dû le connaître? Tu n'as pas lu l'histoire. Tu n'as pas regardé dans l'expérience. Je vais vous montrer une chose. Savez-vous que toutes ces divinités qu'on voit dans le monde sont comme des partis politiques du diable. Chaque divinité, quand elle parle, elle se réfère pas nécessairement à Satan. Bien qu'ils soient ensemble en cachette. Ce sont comme des sous-départements. Quelqu'un crée une fausse religion. Et il dit, moi je vous amène un vrai Dieu. Oh, c'est le même diable qui l'envoie. Un peu comme en politique. Quand on veut créer la diversion, on crée plusieurs partis politiques. Unaunda vyama vya kisiasa vingi. Pour créer plusieurs électeurs et plusieurs etc. Na kisho naomba watakaochagua wengi. Le diable aussi a créé plusieurs partis politiques. Na shetani naye akaunda vyama vya kisiasa vingi. Il est fatigué de se présenter lui-même. Amechoka kujionyesha yeye mwenyewe. Il se présente sous forme de bouddhisme. Na kisho anajionyesha kama Buddha. Et puis vile vingine vyote. OK. Sawa. ceux qui sont dans cette partie politique là, ils disent vous êtes faux. Et puis nous, c'est nous. Ni sisi. Ok, ils ont des vertus là-dedans. Wanakuwa na fasila. Et les gens se comportent bien. Watu wanaishi vizuri. D'accord. Hakika, mais sawa. C'est une portion du même chef. Lakini inakuwa sehemu ya ule ule msimamizi mmoja. Oh, nous on est Rose Croix. Oh, sisi ni wa Rose Croix. Les autres disent non, nous on n'est pas Rose Croix. Nous on n'est pas Rose Croix. Nous on est un kanka. Sisi ni kanka. Parti politique. Inakuwa chama cha kisiasa. Oh, nous on n'est pas un kanka, nous on est Illuminati. Oh, sisi hatuko kanka, sisi ni Illuminati. C'est le même boss. Oh, ni bossi mmoja tu. C'est le même boss. Bossi mmoja. Oh non, nous c'est la science. Oh, sisi ni sayansa. Tu vois, nous c'est la science. C'est le même boss. Sisi ni sayansa, ni bossi mmoja. Maintenant regardez. Sasa mutazame. Quand vous lisez toutes ces histoires de ces dieux là. Unaposoma hata historia za ile miungu yote. Vous allez constater que l'essentiel entre eux. Utagundua kama wengi wao. Ils sont honnêtes. Wanasema kweli. Quand il s'agit des choses essentielles de l'existence. Wanaposungumzia mambo ambayo ni ya muhimu ya uwepo ama kukua. Je ne pense pas à moins que tu me contredises. Si fikiri ama kama unanipinga. Je n'ai pas trouvé. Sijaona. Un Dieu qui s'est prétendu créateur. Ule Mungu ambaye anasema Mungu mdogo ambaye anasema kwamba yeye ndiye aliumba, muumbaji. Mwishaka mupata. Vous avez déjà vu ce Dieu? Vous qui avez été dans les occultismes. Nyinyi ambao mlikuwa ndani ya usuda. Ilikuwa bahati mbaya. C'était une mauvaise chance. Mais est-ce que là où vous étiez? Lakini je mahali mlipokuwa. Un jour le Dieu qui était là-bas. Kuna siku moja ambao Mungu mdogo aliyekuwa. Vous a jamais dit que c'était lui le créateur? Aliwaambia kwamba yeye ndiye muumbaji. Ils sont honnêtes, hein? Wanasemesha kweli. Ils savent qu'il y a des choses qu'il faut pas toucher. Wanajua kwamba kuna mambo ambayo hupaswi kugusa. Avez-vous rencontré un Dieu qui vous a dit que c'était lui la source de l'existence? Si umesha kumkuta Mungu mdogo ambaye atakwambia kwamba yeye ndiye chemchemu ya watu. C'est lui la source de l'existence. Avez-vous vu un Dieu comme ça? Yeye ndiye chemchemu ya uumbaji. Mshaona Mungu kama huu? Mais le Dieu que nous vous prêchons ici, lakini Mungu tunayewahubiria, le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, lui il a tout le courage et il est à l'aise. Yeye ana lorsqu'il dit, je suis l'éternel ton Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa. Mwanzoni Mungu akaumba. Et c'est ce Dieu-là nani ule Mungu qui établit ambaye anashimika. Je vais un peu vous recadrer là où nous sommes. Nous sommes en train de parler des piliers de l'établissement. Le premier pilier, c'est la connaissance de Dieu. Donc si tu t'exerces ce soir à bien connaître Dieu, on va passer, les paniers vont passer rapidement. Si vous vous exercez à bien connaître Dieu, le Dieu qui vous établit, vous êtes solide dans votre établissement. Paul dit, Paul anasema, pendant qu'ils sont en plein naufrage, wanapokuwa wanatafuta, wako ndani ya zoruba, le bateau est en train de faire naufrage. On a déjà jeté les choses. Na mashua iko natafuta zama, wamesha kutupa vitu huko na kule. Le Dieu des cieux dit à Paul, Mungu wa mbingu anamwambia Paulo, personne ne va périr. Hakuna mtu atakaye kufa. Et Paul ouvre la bouche et dit, hey, Paul anafungua kinywa anasema, écoutez-moi, tout le monde est en panique. Kila mtu anakuwa kabisa anaogopa. Et dit, anasema, le Dieu que je sers, Mungu ninayemtumikia, m'a dit, ameniambia, que nous serons tous sains sauf on va sortir de cette affaire. Ya kwamba sisi sote tutapona na tutatoka huko. Personne ne périra. Hakuna atakaye kufa. Restez calme. Mubaki kimya. Et le bateau est en train de se disloquer. Na hii mashua iko naanza kukatika katika. C'est la tempête. Inakuwa mawimbi makubwa. Mais Paul, lakini Paulo, tu as été établi ministre de Dieu. Umewekwa umesimika kama mhudumu wa Mungu. Comment tu parles comme ça? Namna gani unasema hivi? Tu vois pas que ton covoyageur est en train d'avaler de l'eau? Je vois kwamba ule mtu anayesafiri naye iko na meza maji. Il dit, Dieu vient de me dire anasema Mungu amemaliza kuniambia que personne ne va mourir. Hakuna atakaye kufa. et personne n'est mort. N'akuna aliyekufa. Tous ont atterri à Malte. Wote walifikia kwenye kisanga cha Malte. Et lorsqu'ils atterrissent là-bas, na wanapofika hapo, ils ont froid depuis la nuit, ça fait deux ou trois jours qu'ils sont dans la complication. Wanakuwa na baridi ya hatari sababu wamefanya siku mbili ama tatu ndani ya ile zoruba. Igrelot. Wako wanatetemeka. Froid. Na baridi. Ils cherchent à allumer un feu. Na wanatafuta kuwakisha moto. Ils rassemblent des herbes, tout le monde amène quelque chose. Nakutanisha kuni, kila mtu analeta kitu. Allume le feu. Na Paulo anawasha moto. Il arrange. Anatengeneza. Je sais pas s'il faisait comme les pygmées. Sijui kama alikuwa anafanya kama wambuti akipulizia. Et pendant qu'il arrange, na anapotengeneza, une vipère kunakuwa nyoka mkubwa l'attrape à la main. Ambao namshika kwenye mkono. Inambana. Hey. Les habitants qui étaient en train d'observer les opérations qui se passaient, wakati waliokuwa wakichunguza mambo yaliyokuwa yanapitikana, c'est gari si qui porte la malédiction. Anasema ni huyu mtu ambaye anakuwa naye anakuwa na laana juu yake. C'est lui qui a le malheur qui a touché tous ces gens. Ni huyu ndiye anayekuwa na laana ambaye amekuwa watu. Il vient de sortir du naufrage. Si amepona hizo ruba kubwa. Et puis elle sert pas la trappe. Na kisha bali anapofika nyoka na mchukua. Et puis c'est la vipère. Na kisha ni nyoka kubwa. Avec tous les venins de ces serpents là, de cet animal. C'est fini pour lui. Ah, il m'a et tous étaient ébahis, ils étonnaient, ils attendaient la mort. Il y a comme wote walikuwa wanashangaa na walikuwa wanangoja kifo cha Paulo. Il nous a même prophétisé lorsque nous étions là-bas. La Bible dit Paul. La Bible n'asema Paulo. Agita les serpents. Aka tikisa ile nyoka. Et il mit dans le feu bien. Na kaitia ndani ya moto. Kufa we. Shetani kufa. Satamer. Et ils attendaient parce que tout le monde est venu s'échauffer. Sababu walikuwa wanangoja kila mtu alikuja kuota. Nikiwaza kila mtu alikuwa na l'œil gauche tourné vers Paul. Alikuwa na kaa kwenye moto. On va voir comment il commence à avoir un peu de sommeil. Si on voyait Paul avec un peu de sommeil, on disait anaenda. Wakimwona tu Paul anasinzia kidogo wanasema il est parti. Paul est resté se chauffer. Il n'a pas eu la kabaki à qui ôte à moto. Il connaît son Dieu. Mungu il sait qu'il est écrit. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ça les fera point de mal. Paul, mon Dieu que je sers m'a dit, personne ne mourra. Et moi-même, Paul, je ne mourrai pas par le serpent. Quelqu'un doit dire ce soir, je ne mourrai pas de cette maladie. Je vivrai et je raconterai les meilleurs les merveilles de Dieu. Quelqu'un doit dire, je ne mourrai pas pauvre. Je vais prospérer. Quelqu'un doit dire, les sorciers de mon quartier qui m'ont malmené, c'est moi qui suis chargé de les finir. Quelqu'un doit dire, les difficultés de mes enfants pour étudier, j'ai été établi le papa de la maison. Je vais les faire étudier. Batasoma. Ils vont étudier. Au nom de ceci. Au nom de ce Dieu. Kujina ya huu Mungu huyu. Au nom de ce Dieu là. Uliza mwenzako kama iko na Mungu. Wewe uko na Mungu. Demande à ton prochain si tu as Dieu toi. Wewe uko na Mungu. Est-ce que toi tu as Dieu? Qu'est-ce que cette montagne qui te perturbe? Ni mlima gani ile ambao nakusumbua? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Hey. Oh, tu vois, moi, l'âge avance. J'ai maintenant 32. Mimi, tu vois, nous, les sœurs, quand on dépasse 30. Qui t'a dit que quand on dépasse 30, le mariage est fini? On t'a dit ça? Maintenant, je suis en train de parler de la deuxième source de la connaissance de Dieu. Tous ces gens qui défilent pour se présenter fiancés ici. C'est l'histoire, non? C'est l'histoire des mariages. Tous ces mariages, 24 mariages, 6 mariages, 3 mariages, 4 mariages, 5 mariages. Ça ne te dit rien. C'est une source de la foi. C'est une source de la connaissance de Dieu. que le Dieu, le Dieu qui fait ça pour la sœur, pour ma sœur, donc pour moi c'est vraiment impossible. Est-ce que c'est moi seulement qui n'est pas concerné? Je suis comme belle. Parce que je ne suis pas belle. Et puis on a jangalia mukio. Et tu regardes même au travers du miroir. Mijou, Mungu alinipatia apua kabambi. Mais c'est parce que Dieu m'a donné un grand nœud. Laisse-moi t'annoncer. Attends, kutangazie. Il y a des frères qui ne supportent pas les nez. Ils ne les supportent, ils veulent les nez. Vaste. Kuna wandugu ambao wakubali pua kubwa kubwa. Ils cherchent les nez vastes. Wanatafuta pua kubwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ni jumie kapua kango ni kiko kadogo. Oh, c'est parce que mon nez est petit. Ma frère va kwa na ni confondre. Le frère était en train de me confondre. Kuko benye wa nataka hile hipua. Il y a de ceux-là qui aiment le petit nez. Bana hitaka. Ils aiment ça. Akikutana na sœur wa kipua na pita. Lorsqu'il rencontre une sœur qui a un gros nez, il passe. Anatafuta kale kapua kenyuko nako. Il passe, il cherche ce petit nez que tu as. Oh non, ni jumie. Oh, c'est parce que je suis grasse. Comment je vais maigrir? Il y a quelqu'un qui ne veut pas de miss. Ahitaki. Qui ne veut pas de miss. Ahitaki. Il ne veut pas de miss. Anataka mwanamuke mwenyana shika. Il veut une femme qui est solide dans la maison. Qui se présente bien. Quand les gens viennent à la maison, ils savent directement que maman c'est elle. Pas les femmes là, pas les visiteurs viennent et demandent Shalom dada, où est la maman? Et puis elle dit, mais c'est moi la maman ici. Et la maman mince. A envie de gonfler pour qu'elle remplisse sa maison. Écoutez, frères et sœurs, connaissez Dieu. Connaissez Dieu. Connaissez Dieu. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Quand il vient voir Abraham, dans Genèse 17:1, il est écrit, quand Abraham fut âgé de 60, de 99 ans, l'Éternel vient à lui. 99 ans, oui, c'est ça. De 99 ans. L'Éternel vient le voir. Il dit quoi? L'Éternel apparaît à Abraham et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Et toi, sois intègre. Il dit, je suis El Shaddai. C'est ce que ça veut dire El Shaddai. Je suis El Shaddai. Le Dieu tout puissant. Le Dieu qui détient toutes les puissances. Je détiens toutes les puissances. Marche derrière, devant ma face. Marche là où je regarde. Marche ici. Marche. Là où je regarde. Marche devant ma face. Et sois intègre. Regardez la suite. Si tu fais ça, verset suivant. J'établirai mon alliance entre moi-même et toi. Le Dieu Tout-Puissant va établir son alliance entre lui. Vous savez, j'aime la littérature biblique. Enfin, la littérature de Dieu. Il n'a pas dit j'établis une alliance entre toi et moi. Comme si ça commençait de l'homme. Il dit, moi, Dieu, je vais établir L'alliance de qui? J'établirai ton alliance à un. Moi, Dieu, je vais établir mon alliance. Entre qui? Entre moi et toi. C'est-à-dire, Dieu rassemble l'essentiel des responsabilités. Vous n'avez pas compris. Dieu récupère l'essentiel des responsabilités et il introduit Abraham comme juste quota. Je prends l'essentiel, toi. Mais ce que tu vas faire, tu marches devant. Ma face. Tu vas, et puis après, ce sera quoi? Attends, remonte. Verset 2. Quand j'établis mon alliance avec toi, entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Amen. Vous connaissez infini? Infini signifie? Sans fin. Je te multiplierai sans fin. Multiplier signifie quoi? Fécondité à gogo. Fécondité dans les affaires. Fécondité dans l'intellectuel. Fécondité dans le corps. Fécondité. Si tu n'as pas encore mis au monde, hey, marche devant sa femme. Dieu a dit à ton père Abraham, il dit, je vous multiplierai à l'infini. Si tu vas me multiplier à l'infini, donc, c'est à moi de déterminer là où j'arrête. Je vais vous poser une question. Est-ce que vieux de 65 ans ou de 70 ans peut engrosser? C'est possible, hein? Alléluia. Amen. Abraham, je te multiplierai à l'infini. Abraham, mais Abraham, à 100 ans, tu mets au monde. Sarah, à 99 ans, tu mets au monde. Oui. Dieu m'a dit hier, je te multiplierai à l'infini. Quelqu'un veut-il connaître Dieu, mes amis? Terminons ce point. La troisième source de la connaissance de Dieu, c'est l'écriture, c'est-à-dire la Bible que tu as. Les écritures. Les écritures ont été données pour nous révéler Dieu. Et la quatrième source, c'est Jésus lui-même. Dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Il dit, dans le passé, Dieu s'est révélé avec les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de se révéler par son propre Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Commence au verset 1. Verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi. Le Fils qu'il a établi. Et moi, je lui prête quelque chose. Qu'il a établi comme source de la connaissance de Dieu. Que le Fils vienne nous expliquer Dieu c'est qui. Il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Par le Fils, Dieu a créé le monde. Par le Fils, Dieu est venu se révéler au monde. Vous êtes donc sans excuse. Parce qu'à partir de la création, à partir de l'histoire et de l'expérience, à partir des écritures, à partir de Jésus lui-même, qui ose même venir à vous dans les songes. Pour un seul objectif, aider les hommes et les femmes qu'il veut établir, à le connaître, afin que cette connaissance le soutienne dans l'accomplissement du but. Lèvons-nous, on va s'arrêter là. Hallelujah.